notte. Tant que la lave n'aura pas coupé cette cervelle, ce paquet blanc, vert et gras, à pas peur, jamais nouvelle. Ah, lui, devrait couper son nez, sa lèvre, ses oreilles, son ventre, et faire un pendant de ses jambes. Oh merveille, oh merveille. Ne doit cesser un instant de ruser et d'être traître. Comme un chant des mots à chaud, d'empuantir toute sphère, qu'à sa mort pourtant, ô mon Dieu, s'élève quelques prières, s'élève quelques prières. S'élève quelques prières. S'élève quelques prières.